si beau ce soir. La nuit est si bleue ce soir. C'est l'heure où je me sens perdu comme un enfant. Le ciel si beau pourtant. Depuis que l'on s'est quitté, je n'ai jamais eu d'été. Soudain je viens d'avoir envie de te revoir. Le ciel est si beau ce soir. Longtemps j'ai attendu à l'angle de ta rue. Je suis reparti.